Psaume 127. Cantique de Mahalot, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Certes c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. Voici, les enfants sont un héritage donné par l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Tels que sont les flèches en la main d'un homme puissant, tels sont les fils d'un père qui est dans la fleur de son âge. Oh, que bienheureux est l'homme qui en a rempli son cœur. Quoi, des hommes comme ceux-là ne rougiront point de honte, quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte.